franceinter.fr. Affaire sensible, la fiction, aujourd'hui la révolution iranienne, le retour de Roménie, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Sharif Gataz, réalisée par Cédric Ossir. Hier, dans le cadre de nos deux émissions spéciales consacrées à cet événement majeur qu'a été la révolution iranienne de 1979, nous vous avons raconté la chute du Shah d'Iran. Aujourd'hui, deuxième épisode avec cette fiction consacrée aux journées qui ont précédé et suivi le retour de l'Ayatollah Khomeini à Téhéran en février 79. Après près de 15 ans d'exil en Turquie, en Irak, puis en France, à Neuf-le-Château, dans la région parisienne, le chef religieux, aussi religieux que politique, l'homme qui s'est imposé en seulement quelques mois comme le principal leader, le guide de la révolution iranienne, l'Ayatollah Khomeini, retrouve l'Iran au milieu d'une foule immense venue l'accueillir à l'aéroport de Téhéran. Une scène impressionnante qui répond inversement à celle qui a eu lieu quelques semaines plus tôt, celle d'un chat esselé, isolé, déchu, s'envolant pour l'exil. Deux scènes en écho pour deux trajectoires, deux destins qui illustrent et symbolisent la révolution iranienne. Mais c'est dans un contexte particulièrement incertain que l'Ayatollah Khomeini débarque à Téhéran. En effet, l'opposition qui fait fuir le Shah d'Iran est diverse, plurielle, voire opposée. Dans ses premiers jours de février 79, entre l'armée, le gouvernement libéral de Chapour Pakhtiar, les mouvements d'extrême gauche et les mollahs, l'incertitude règne dans les rues de la capitale. Le destin de l'Iran est à la croisée des chemins, et c'est la voix de l'Ayatollah Khomeini, celle de la première révolution islamique, qui l'emportera. Une victoire qui bouleverse jusqu'à aujourd'hui le sort d'une région, le Moyen-Orient et le cours du monde dans son ensemble. Pour poursuivre cette histoire, nous recevrons, après la fiction, comme hier, l'historien Ramin Kamaran. Je vous rappelle qu'il a fui l'Iran et le régime des mollahs au début des années 80. Son dernier livre, Le problème théologico-politique de l'islam, le livre infaillible, est paru en 2013 aux éditions L'Harmattan. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La révolution iranienne. Le retour de Khomeini, de Sharif Gataz. Une réalisation de Cédric Ossier. On est le 5 février 1979. C'est le soir. Comme tout le monde ici, je reste claquemuré dans ma chambre d'hôtel. Téhéran est une poudrière. Il n'y a pas de couvre-feu, mais passé minuit et jusqu'à l'aube, personne n'ose s'aventurer dans les rues de la capitale. Elle est prise d'assaut par les différents groupes armés. Milices islamiques ou milices indépendantes, anarchistes, communistes, loyalistes, ou encore rescapés de la terrible SAVAK, la police de la sécurité et du renseignement du Shah déchu. En bref, ce qu'on peut dire, c'est qu'après 50 années de dictature forcenée, le peuple veut bâtir un nouvel Iran. Pour beaucoup, nouvel Iran rime avec république islamique. Seulement, d'autres partis, d'autres idéologies s'affrontent au jour le jour. Qui c'est ? C'est moi, Golam. Entre. Oh. Putain, c'est le foutoir, hein. Ouais, le bordel, Golam. Foutoir, le mot est faible. Reste pas debout, assieds-toi. Où ça ? Bah, où tu peux. Tiens. Pose tes fesses ici. Dehors aussi, c'est le bordel. Tu as la cassette ? Ça, c'est après son arrivée à l'aéroport le 1er février. Il y avait tellement de monde que la voiture dans laquelle l'Ayatollah était ne parvenait pas à se frayer un passage. Tu y étais, toi ? Évidemment, j'y étais. Tout le monde y était. T'as pas eu peur ? Peur ? Peur de quoi ? Bah, je sais pas, que ça dégénère. L'intervention des militaires, la répression, ça aurait pas été le premier carnage. T'aurais pu avoir peur, Golam. Et toi aussi, alors ? Moi, je fais mon travail, c'est différent. Je devais être à l'aéroport quand l'avion d'Air France se poserait sur le tarmac. Mais écoute, on a dit un tas de choses sur le retour de Khomeini ce jour-là. Un tas de spéculations, bien entendu. Comme quoi l'armée allait encercler la foule et tirer sur les gens. Certains ont même supposé que les chasseurs du Shah pourraient abattre l'avion directement pour se débarrasser de l'imam. La vérité, c'est que rien n'aurait pu empêcher ce rassemblement. Et finalement, c'est un hélicoptère qui est venu le sauver de la fièvre de ses propres partisans. Oui, c'est fou le monde qu'il y avait. La frénésie qui s'est emparée de nous. Je m'en rappellerai toujours. Et toi, t'as couru derrière le cortège? Et comment que j'ai couru? C'est un moment historique. Je pouvais pas rater ça. Non, bien sûr. C'est la révolution du peuple. Et Khomeini, c'est pour le peuple iranien le symbole le plus éclatant de la résistance à la tyrannie des chats, père et fils. 2500 ans de monarchie qui prennent fin avec le départ de Mohammad Reza et l'arrivée de Khomeini. Lorsqu'il était en exil en France à Neuf-le-Château, t'écoutais les cassettes qu'il enregistrait? Bien sûr, comme beaucoup d'étudiants. Mais la méthode des cassettes ne date pas de l'exil en France, mais celui en Irak. 1964? Oui. Déjà à l'époque, il utilisait ce procédé pour diffuser ses messages. L'ayatollah Khomeini, c'est un guide. Il n'a pas seulement dit « mort au chat », il a aussi dit « l'islam est la solution ». Ces cassettes, ce sont des encouragements à continuer la lutte, bien sûr, mais ils servent davantage encore à nous guider dans cette lutte, pour ne pas que le peuple s'égare. Khomeini ne nous a pas seulement appris à lutter, mais comment lutter. Je vois. Tu peux traduire un passage pour moi? Je voudrais l'insérer dans un papier pour le journal. D'accord. Quel passage? Un passage pendant le discours dans le cimetière en hommage aux martyrs de la Révolution. Ouais, ok. Je comprends qu'à moitié le farci, mais il m'a semblé qu'il s'adressait indirectement à l'Occident. Tiens, écoute. C'est là, je crois. Oui, voilà, écoute ça. Qu'est-ce qu'il a dit là? Ok. Il dit que le chat a épuisé les ressources humaines de l'Iran, qu'il a construit des centres de turpitude. Turpitude? Ouais, ok. Des centres de turpitude par ses actes. Et ensuite? Il dit que la télévision et la radio, celles de Mohammad Reza, sont des pôles de débauche et qu'il a concentré tous ses efforts pour qu'à Téhéran, les débits de boissons soient plus nombreux que les bibliothèques. Ça, c'est pas complètement faux. Nous ne sommes pas contre les radios, mais contre la débauche. Nous ne sommes pas contre la télévision, mais contre ce qui sert les intérêts de l'étranger et contre ce qui entrave à l'épanouissement de la jeunesse. Il dit que nous n'avons jamais été contre le renouvellement et le modernisme. Parfait. J'ai ce qu'il me faut, Golam. Merci. Merci beaucoup. De rien. À ton service. Allô? Karl, le chauffeur est là. Merde, depuis longtemps? Presque une heure. Mais t'inquiète pas, il fait une partie de cartes en t'attendant. Ok, j'arrive tout de suite. Note du 6 février 79, 2h du matin. Reportage, le retour de Khomeini. Qui est l'ayatollah Khomeini? Repère biographique important. Ruhollah al-Moussaoui est né en 1902 à Khomein, près de Téhéran. Issu d'une famille d'intellectuels chiites, il suit des études de théologie, puis devient enseignant à Qom. En 1950, il est nommé ayatollah, c'est-à-dire membre du haut clergé chiite. Dès 1953, date du retour du Shah sur le trône après le renversement par la CIA du régime de Mossadegh, Khomeini s'engage dans l'opposition et dénonce la révolution blanche, menée par le Shah, afin de moderniser le pays et de donner aux femmes le droit de vote. C'est le début d'un affrontement contre la couronne qui durera 25 années. Le 3 juin 1963, il fait un discours historique dénonçant la subordination du Shah au pouvoir étranger et son soutien à Israël. Le régime réplique fermement en jetant l'ayatollah en prison. Mais cette arrestation provoque de tels mouvements contestataires que le gouvernement, conscient de sa popularité croissante, préfère le faire libérer. À la suite de cet événement, Khomeini devient l'un des chefs de la communauté chiite. Il devient guide religieux suprême. Quoi, Mohsen, qu'est-ce que tu dis? Je dis que Khomeini, après son discours contre la politique pro-américaine de Mohammad Reza, il est devenu pour les musulmans chiites ce que nous on appelle un guide religieux suprême. Guide religieux suprême. Je vais le rajouter. Je peux continuer? Bah oui, oui, bien sûr. On est presque arrivé à l'université. Où j'en suis, moi? Ah oui, l'exil. 1964, devenu une menace pour le régime du Shah, Khomeini est expulsé d'Iran. Son exil débute par un séjour en Turquie, puis c'est l'Irak, à Najaf et à Karbala, la ville sainte du chiisme où ses discours et son idéologie se radicaliseront davantage. Après une série d'échanges entre le Shah et Saddam Hussein pour statuer sur le sort réservé à l'ayatollah, Khomeini trouve refuge en France, où il s'installe à Naufle-le-Château. C'est depuis la France qu'il va encourager la révolution et préparer son retour en Iran. Il y a moins d'un mois, des manifestations violentes ont fait plusieurs milliers de morts parmi les civils iraniens. Le 16 janvier, le Shah abdique et fuit en Égypte. Et nous en sommes là, à peu près. Eh oui. Et nous sommes arrivés à l'université de Téhéran. Merci, l'ami. Je t'attends là, ou quoi ? Ça marche. Professeur Nouri, ça ne pose pas de problème si j'enregistre notre conversation, n'est-ce pas ? Aucun problème. Bien. Nous nous trouvons ici, dans votre bureau, situé dans l'enceinte de l'université de Téhéran. Oui. J'occupe ce bureau depuis 1956. J'enseigne les sciences économiques depuis 23 ans. Depuis plusieurs mois, l'université est un des foyers de la révolution. En effet, l'université est une tribune pour les insurgés. Quelle que soit leur orientation politique ? Quelle que soit leur orientation politique, tout à fait. Si vous vous baladez à travers les couloirs, les salles et même dehors dans les cours de l'université, vous allez trouver toutes sortes de jeunes révolutionnaires. Vous allez aussi bien entendre des discours marxistes, maoïstes, que des discours plaidant l'instauration de la République islamique, et j'en passe. C'est en quelque sorte ici que toutes les idéologies peuvent circuler en liberté. En toute liberté ? Une liberté relative, bien entendu. Mais si on compare au temps de l'ancien régime de Sa Majesté Mohammad Reza, alors oui, c'est une véritable transformation pour tous ces jeunes. Aujourd'hui, avez-vous le sentiment d'avoir obtenu la victoire ? Bon. Moi, je suis membre du Parti démocrate national, qui est un parti d'opposition au régime. En tant qu'Iranien et membre de ce parti, je considère bien évidemment m'être battu pour une cause, le départ du Shah. Et le retour de Khomeini ? C'est une question... compliquée ? Non, mais complexe. C'est-à-dire ? Cette révolution, ce n'est pas simplement des soulèvements, la rue qui gronde. Ce serait trop facile et réducteur de la résumer à ça. Bien entendu. Quelque chose de sourd existait bien avant 1977 ou 78, bien avant même l'article paru pour diffamer Khomeini en l'accusant d'immoralité. Bref, l'exploitation subtile et minutieuse de la préexistence d'un certain nombre de facteurs contestataires du régime. C'est ça, la force, le travail... et la vision de l'ayatollah Khomeini. Vous comprenez ? Il a préparé tout ça. La révolution, la victoire, son retour. Et ça, depuis fort longtemps, il a joué aux échecs et il est en train de gagner. Depuis le début ? Je veux dire, depuis que le gouvernement du Shah l'a poussé à l'exil ? Difficile de dire précisément quand. Je n'ai pas de date qui pourrait constituer une référence ou un point de départ. Mais ce que je sais, c'est que Khomeini a su cristalliser à la fois... le mécontentement et les espoirs de tout le peuple iranien. Parce qu'il est lucide et très intelligent. Mais il a des opposants. Même au sein du clergé chiite, tous ne montrent pas patte blanche. Si ? Le problème ne peut pas être posé en ces termes. Mais je reformule ma question. Aujourd'hui, en Iran, quelles sont les forces en présence d'après vous ? Et quelles sont les issues politiques envisageables ? Bien, on peut dire que toutes les couleurs sont représentées. Mais il est évident qu'aujourd'hui, vous ne trouverez pas de réelle opposition aux volontés de l'ayatollah Khomeini, ni dans son camp, ni chez les communistes, ni dans les autres courants, parce qu'ils convergent tous vers un seul et même but, achever ce qui a été commencé avec le départ du Shah. Tous ces partis ont un ennemi commun, le passé de l'Iran. Et qui sortira vainqueur après cette confrontation entre... disons, le peuple et les forces du passé. Le peuple, bien sûr. Maintenant, si vous me demandez ce que je pense de l'établissement d'une république islamique, autre chose. Je vous écoute. Je crois qu'on a sous-estimé l'impact de Khomeini sur le peuple, mais on a surtout sous-évalué l'attachement d'une grande partie des Iraniens à leur indépendance, à leur religion, à l'Orient. C'est le socle de la révolution pour au moins 80% de la population. Vous savez, nous, les intellectuels, les laïcs, nous ne sommes au fond qu'une poignée. Et ça, Khomeini le sait pertinemment. Ah, pardon, professeur Nouri, je ne savais pas que vous étiez en rendez-vous. Entre, Sarah. Je te présente monsieur Rémy, un journaliste français venu faire un reportage sur notre révolution. Bonjour. Sarah est une de mes étudiantes les plus prometteuses. Elle est également mon assistante pour la préparation de mes cours. Enchantée, mademoiselle. Bien, je vais vous laisser. Professeur Nouri, peut-être pourrions-nous envisager de nous revoir d'ici quelques jours. Ce serait avec un grand plaisir, monsieur Rémy, quand vous voudrez. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, nous sommes le 10 février 79. Il est un peu moins de 15h. Reportage Le Retour de Khomeini, cassette numéro 9, note chronologique, important. 1971, le 13 octobre, à Persépolis, Mohammad Reza célèbre en grande pompe le 2500e anniversaire de l'Empire perse. On a connu mieux pour gagner l'amour d'un peuple au bord de la famine. Enfin. Disons que ces cérémonies ont cristallisé la haine d'une large majorité des Iraniens envers leur souverain. 1977, année importante, ponctuée par des manifestations à l'université, des incidents à répétition, et surtout des voix qui s'élèvent aussi bien chez les politiques que chez les religieux et les intellectuels. Résultat, répression sanglante. Passons à 78, l'année clé, dès janvier à Qom, manifestation en soutien à l'ayatollah Khomeini, exilé en Irak. Résultat, répression sanglante. Février, à Tabriz, marche pour les victimes de Qom. L'armée intervient, répression sanglante encore, 100 morts. Juillet, dans la ville de Machad, des affrontements font 200 morts. Août, la loi martiale est décrétée dans les villes d'Ispahan, de Najafabad et Omayounchar. Le cinéma, ensuite c'est le cinéma. Bien sûr, l'incendie du cinéma, quel idiot, j'ai failli oublier. Faut pas. Non, faut pas, t'as raison, Mohsen. C'était quand déjà, en septembre ? Août, le 19. Exact. 19 août, à Abadan, l'incendie d'un cinéma fait 400 morts. L'incendie du cinéma par la police, faut préciser. Ben, on est sûr de ça ? Ben, évidemment qu'on est sûr. Non mais, moi je suis journaliste, Mohsen, je peux pas raconter n'importe quoi juste sur des suppositions, tu comprends ? Tu peux interroger n'importe qui. Tout le monde te dira que c'est la SAVAK qui est derrière l'incendie du cinéma. Bon, je peux continuer ? Merci. Alors, après. Ah, oui. L'appel de Khomeini, le 30 août. Il encourage la population à renverser le pouvoir dictatorial du Shah. Puis, c'est le vendredi noir. Le 8 septembre 78. 1 million de personnes dans les rues de Téhéran. L'armée ouvre le feu. Les combats commencent dans la capitale. Le 10 septembre, les États-Unis rappellent leur soutien au Shah. Octobre, expulsé d'Irak, Khomeini s'installe à Neuf-le-Château en France. Le 18 du même mois d'octobre, tous les partis d'opposition religieux, communistes, nationalistes appellent à la grève générale. Le pays se trouve paralysé. 6 novembre, nouveau gouvernement, militaire celui-là, dirigé par le général Azari. Le chien galeux. Oui, si tu veux, mais ça peut pas figurer dans mon reportage. Dommage. Puis regarde, il y a une justice. 12 décembre, le peuple demande le départ du Shah. 31 décembre, le général démissionne et c'est Bakhtiar qui est nommé Premier ministre. Le 16 janvier 79, le Shah fout le camp. Le 17, des centaines de morts entre d'un côté les civils, de l'autre armées et milices pro-gouvernementales. Le 19 janvier, 4 millions d'Iraniens... Plus que 4 millions. Qu'est-ce que t'en sais, toi ? Tu les as comptés ? Bah non, mais... 4 millions d'Iraniens manifestent à Téhéran pour réclamer la démission du Premier ministre... Et le retour de Khomeini. Le 1 février. Le 1er, on dit, Mohsen, pas le 1. Donne ton micro. Le 1 février, retour de l'imam Khomeini en Iran. Et bientôt, plus d'opposition. Fini les communistes, les nationalistes, les fédaïnes, les anarchistes. Terminé tout ça. Tous les Iraniens pour la République islamique de l'imam Khomeini. Bon, merci Mohsen pour ta vision objective des faits. Mais de rien. Tiens, le religieux me fait signe que tu peux y aller. Il va te recevoir. Une heure d'attente, c'est pas trop tôt. À tout à l'heure. Vous me parlez de divergence entre moi et d'autres chefs religieux. Ou bien entre moi, l'imam Khomeini. Mais vous faites erreur. Car il n'y a pas de divergence fondamentale entre nous. Pourtant, historiquement, vous n'êtes pas un allié de l'ayatollah Khomeini. L'imam Khomeini et moi-même avons eu par le passé des points de vue différents sur la façon dont la lutte devait être menée. Mais ça ne veut pas dire que nos objectifs n'étaient pas les mêmes. Ils étaient les mêmes. Khomeini, à la différence de certains chefs religieux, a toujours combattu pour un islam social et politique, à l'heure où le régime avait réduit le clergé à une action strictement spirituelle ou théologique. C'est exact. Et Dieu a donné raison à l'imam dans ce combat. C'était la volonté de Dieu de placer Khomeini à la tête du grand mouvement qui bientôt instaurera une république islamique dans notre pays. Et politiquement, comment s'articulera cette république ? Il est impossible de comparer les principes de l'islam avec ceux d'une idéologie politique, quelle qu'elle soit. Qu'il s'agisse de socialisme, de communisme ou de capitalisme, qu'importe. La vérité est que dans tous ces régimes politiques, on arrive toujours à une seule et même conclusion. Le règne du totalitarisme. J'en prends note, mais vous ne répondez pas concrètement à la question posée, si je puis me permettre. La différence est assez simple à comprendre. Les principes d'un islam politique et social tel que le guide nous les fait entendre sont les suivants. Le devoir du citoyen est de travailler dans le sens de la justice et de l'égalité pour chacun. Pas d'oppresseur, donc pas d'opprimé. Aucune chance de totalitarisme alors ? Non, aucune. Pas d'absolutisme donc ? Non. L'islam ne tolère ni despotisme ni anarchie. Et l'islam ne tolère pas non plus l'ingérence des puissances étrangères en terre musulmane. Vous pensez aux États-Unis ? En tête de liste, oui. Mais cette liste est longue. Vous n'allez pas vous faire que des alliés ? Jusqu'ici, trouvez-vous que l'attitude de l'administration Carter ait été très amicale envers le peuple iranien ? À vous de me le dire. Nous pouvons plonger dans les comptes du Shah si vous le souhaitez. Une immense fortune. Volée aux Iraniens. À partir de maintenant, les ressources du pétrole serviront à infléchir la courbe des inégalités sociales plutôt qu'à garnir les comptes des dictateurs. Ça vous convient comme réponse ? Et comment comptez-vous gouverner ? D'abord, cher monsieur, je ne compte pas gouverner. C'est Dieu qui gouverne, et ce sont les principes des lois et de la justice de Dieu et du Coran qui gouverneront, et vous verrez que ces principes seront un exemple pour le monde entier. Aujourd'hui, 10 février 79, une insurrection a été menée par les partisans de l'ayatollah Khomeini contre des casernes militaires et des commissariats de police. Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Ce sont les conséquences directes, logiques, naturelles, je dirais, d'une politique de répression qui rencontre la force de résistance de tout un peuple. 80 000 hommes, c'est le nombre de soldats du régime. Offrons-leur des fleurs, a dit l'imam, et ils se rangeront à nos côtés. Une fois de plus, l'imam avait raison. Ce peuple est-il rangé derrière Khomeini ? Est-il encore besoin de le préciser ? « 25 février 1979. Reportage Le Retour de Khomeini, cassette numéro 19. Impression générale. Depuis le 12 février et la démission du Premier ministre Bakhtiar, Khomeini et ses partisans, très nombreux ça va sans dire, ont annoncé la victoire de la révolution. Khomeini, qu'ici les fanatiques nomment le 12e imam, celui qu'on attend, celui qui a disparu au 9e siècle et dont on attend le retour après 1000 ans, ce 12e imam a pour mission de sauver le peuple de la misère et des persécutions. Parenthèse. Ça lui va pas mal à Khomeini avec sa tête de vieux sage austère, immobile et déterminé. Je me souviens de la photo d'un confrère sous le pommier de la maison de Neuf-le-Château, avant le retour justement. Tout ça, ça fonctionne. En attendant, on tue, on purge l'Iran. Hier, c'était les collaborateurs du Shah. Aujourd'hui, il faut y ajouter les généraux de l'armée régulière. Ce matin, la milice islamique a exécuté le colonel Hossein Farzin, responsable de nombreux crimes et d'actes de torture, arracher des ongles, brûler les paupières, électrocuter des corps. À la répression succède la répression et la vengeance. Et ce n'est qu'un début. Je sens que nous autres occidentaux sommes de moins en moins les bienvenus en Iran. J'en tiens pour exemple la fermeture d'un quotidien français et d'un autre anglais. Et à la télévision, à la radio ou dans les conférences, c'en est fini des langues étrangères. On parle le farsi. « Restez frères les uns pour les autres », a dit Khomeini depuis la ville de Qom où il s'est retiré. Restez digne. Ce soir, 25 février 79, ces messages me laissent étrangement perplexe. Oui ? Monsieur Rémy, c'est Sarah, l'étudiante du professeur Sadek Moulay. Vous vous souvenez de moi, n'est-ce pas ? Sarah ? Vous, mais qu'est-ce que... Je vous en prie, entrez. Pardon, c'est le foutoir absolu ici, il y a des papiers partout. Je vous dérange ? C'est-à-dire que je travaillais, mais non, vous me dérangez pas. Je sais que beaucoup de journalistes étrangers résident dans cet hôtel, alors j'ai tenté ma chance. Voilà, je viens vous demander de l'aide. Je m'explique. Oui, volontiers, parce que là... Oui, voilà. Mon père avait un poste important dans une raffinerie au nord de Téhéran. Pendant les événements de septembre à janvier, mes parents ont soutenu la politique du Shah et... Mon Dieu... C'est si dur. Asseyez-vous, Sarah. Je vous écoute. Mes parents ont disparu il y a un mois. Le 21 janvier exactement. Ils rentraient d'une visite à des amis, c'était le soir. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie. J'ai demandé des explications, mais à chaque jour qui passe, je comprends qu'il m'est de moins en moins permis d'espérer et de moins en moins permis de demander quoi que ce soit. Je suis désolé pour vous, Sarah, vraiment, mais... Enfin, vraiment désolé, oui, mais vous m'avez dit que vous veniez ici me demander de l'aide. Je voudrais aller en France. Ah. Oui. C'est... Je sais, c'est... Oui, c'est... Enfin, je comprends très bien, je... Mais il m'est difficile de vous aider concrètement. Je veux pas rester ici, monsieur Rémy. Mais c'est votre pays. Je sais pas. Comment ça ? Je crois pas à cette révolution. Je crois pas à cette république islamique. Je crois pas aux propos de l'ayatollah. Je crois pas que nous sommes tous frères. Je crois pas que c'est le Coran qui doit régner et régir notre société. Et je crois pas à ces principes d'égalité et de justice que les religieux veulent nous faire avaler. Et je ne crois pas qu'on nous laissera le choix à nous les femmes de décider si oui ou non nous voulons porter le voile. Je le crois pas. Pas un instant. C'est impossible. Peut-être que vous avez raison. Raison, tort. Peu m'importe aujourd'hui. Ça change rien à mon souhait de partir. Car je ne veux pas vivre sous un autre régime qui sera une autre tyrannie. Je vous le dis, moi. Que dit le professeur ? Je peux vous piquer une cigarette ? Allez-y. Servez-vous. Le professeur... Professeur Nouri, monsieur Rémy, c'est un homme intelligent, vous savez. Un homme courageux, mais... Mais quoi ? Mais il est comme tous les autres. Les autres quoi ? Les types comme lui. Les intellos de gauche. Les enseignants, les journalistes. Et il pense que c'est eux qui ont fait cette révolution. Et qu'il est de leur devoir de la partager avec le peuple. C'est-à-dire 80% d'analphabètes, d'ignorants, de fanatiques et de crève-la-faim. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent, tous ces gens, à leur discours démocrate, anarchique, maoïste, collectiviste ou je ne sais quoi encore ? Hein ? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien comprendre ? C'est un point de vue qui se défend. Ils sont en train de se faire berner. Et ils ne le voient même pas. Pour des intellectuels, on a vu plus lucide, vous croyez pas ? Écoutez, il est pas loin de 9h. Dans 5 minutes, ils vont se mettre à canarder dans tous les sens. Je m'en fous. Non, écoutez-moi, d'accord ? Vous allez rentrer chez vous immédiatement, et demain, à la première heure, vous appellerez ce numéro. C'est l'ambassade de France à Téhéran. Et vous direz ce mot. C'est quoi ? Un mot de passe ? En quelque sorte. C'est pour qu'on vous écoute sans vous poser de questions. Donc vous dites ça, et vous demandez à parler au responsable de la sécurité des ressortissants français. D'accord ? C'est un ami. Vous précisez bien que vous appelez de ma part. Il vous écoutera. Et s'il peut faire quelque chose, il le fera. Tenez. Merci. Rien à faire. L'ayatollah Firani ne veut pas me recevoir. Ils t'ont donné des raisons ? Occupé. On est le combien ? Le 29 mars 1979. C'est tout ? Tu as ta réponse. Comment ça ? Dans 2 jours, il y a le référendum. pour ou contre l'instauration de la République islamique. L'ayatollah Firani est un homme important, il a sans doute beaucoup à faire. Mais bien sûr, dis plutôt qu'à présent qu'il est sûr et certain de remporter l'adhésion de tous, les entretiens avec le journaliste français sont devenus superflus, voire même ennuyeux. Il est trop susceptible. Faites bien. Paris, le 2 avril 1979. Reportage Le Retour de Khomeini, épilogue, cassette numéro 24. Après le référendum du 31 mars 1979, approuvé à 98% par la population iranienne, l'ayatollah Khomeini vient de proclamer la République islamique d'Iran. C'est un tournant historique pour l'Iran, bien sûr, mais pour le monde entier. Khomeini, le vieillard silencieux, opiniâtre, tout entier dédié à sa tâche, vient de redistribuer les cartes de la politique mondiale. Je n'ai plus revu l'ayatollah Firani. Il n'a plus daigné répondre à mes demandes d'entretien. L'étudiante Sarah est en France depuis quelques jours. Quant au professeur Sadek Nouri, il n'est pas venu à notre dernier rendez-vous. À l'université de Téhéran, on m'a dit que son bureau était vide et que peut-être il allait le rester. C'était « Affaires sensibles ». La révolution iranienne, le retour de Khomeini, de Sharif Gataz, avec Swan de Marsan, Bachir Tlili, Régis Ivanov, Bruno Abraham Kremer, Malik Faraoun et Nassima Bektaoui. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Pierre Mine et Ariane Herbet. Assistante à la réalisation, Alice Cachaner. Réalisation, Cédric aussi. Parle en ce moment en direct depuis l'aéroport où l'ayatollah Khomeini vient de terminer il y a une dizaine de minutes son premier discours politique. L'Iran a d'ailleurs vécu tout à l'heure à 9h40, 7h10 heure de Paris, son moment historique. C'est à ce moment-là que l'ayatollah Khomeini, après 15 ans d'exil, est apparu sur la passerelle du Boeing 747 d'Air France, affrété spécialement. Le chef religieux est descendu lentement, soutenu par son fils et un officiel de la compagnie aérienne. Aucun signe d'émotion ou de joie n'était perceptible sur ce visage barré en permanence par trois rides d'inquiétude. Pour ce moment tant attendu par lui et par des millions d'Iraniens, le vieux chef religieux a conservé la même impassibilité que lors des jours ordinaires. Une Mercedes bleue, protégée par un cordon de policiers, l'a ensuite conduit dans le hall de l'aéroport. Les Iraniens présents à l'aéroport avaient été soigneusement triés sur le volet. La foule, elle, immense, considérable à ce qu'on m'a dit, est contenue pour l'instant à 800 mètres d'ici par un cordon continu d'hommes du service d'ordre qui portent des brassards sur lesquels on peut lire « Police islamique ». France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui la révolution iranienne, le retour de Khomeini, notre invité, l'historien Ramin Kamran. Bonjour Ramin Kamran. Bonjour. Alors, rebonjour, ça se dit pas, mais comme vous étiez là hier, je vous le dis. Alors, je vous ai demandé ce que vous aviez ressenti hier quand l'ayatollah est revenu. Donc vous n'étiez pas en Iran, mais en France à l'époque. Hein, exact. On est bien d'accord. Donc évidemment, il y a cette foule immense, mais à distance, qu'est-ce que vous vous êtes dit de votre pays? Un événement de mauvaise augure, et ce qui m'inquiétait surtout, en tant que libéral, je dirais, et quelqu'un qui ne voit pas d'un bon œil le mélange du politique et du religieux, je m'étais attaché au sort de Bakhtiar. C'est ça qui m'intéressait, l'arrivée de Khomeini, oui. Mais si cela va se solder par la chute de Bakhtiar, que je présentais d'ailleurs comme beaucoup d'autres, la sympathie ne l'empêchait pas, c'était quelque chose de très grave, très grave. Et on a vu par la suite que tel était le cas d'ailleurs. Alors, l'ayatollah se dirige vers le cimetière des martyrs de la Révolution, donc, pour son premier discours. Bien évidemment, c'est un geste qui est tout sauf anodin. C'est par le cycle des martyrs, le schisme, que s'est imposé le point de rapprochement du mouvement révolutionnaire. Le schisme, sa définition, le culte des martyrs, son ancrage populaire, on sait à quel point c'est un élément prégnant en Iran. Mais ailleurs, au Liban Sud, par exemple, avec le Hezbollah, hein, et puis en Irak aussi. Qu'est-ce que c'est cette force à la fois politique et religieuse qui est celle des chiites? Ah, si je voulais parler, je vous dire d'un mot, je dirais que le chiisme, c'est le catholicisme de l'islam. Un, il y a l'idée d'infaillibilité qui est au centre. Deux, avec les imams et tout. Deux, il y a un clergé très structuré. Trois, il y a une autorité qui est respectée de fait, qui n'a pas d'équivalent, par exemple, chez les sunnites. Il y a, je dirais, esthétiquement, il y a une esthétique élaborée. Et je dirais, en ce qui concerne les affects, ce deuil, ce regard sur le martyr, cette fixation sur l'image de Hussein, ni le prophète, ni le premier imam, mais Hussein qui a vécu le martyr. Vous voyez, ça vous dit comment est formée la sensibilité chiite. Il y a une martyrologie, en fait. Il y a un martyrologue. Et naturellement, c'est cette image qui est... C'est Hussein qui est donné en exemple, comme image de la perfection d'une certaine manière. Voilà. Il faut imiter. Certaines recherches de la pureté. Oui. Alors, on a quelquefois tendance à rapprocher l'islam chiite d'une sévérité sociétale. Et c'est vrai. Mais pas forcément politique. Il y a des régimes sunnites qui sont d'épouvantables dictatures. Oui, exact. Au fond, regardez, en ce qui concerne l'islam, il y a deux étapes dans l'influence sur le politique. La première, c'est le classique. Les religions sont là, qu'est-ce qu'ils représentent? Une vision, je dirais, conservatrice, parfois réactionnaire de la société, des droits de la femme, des échanges sociaux, des rapports sociaux. Et ils pèsent de leur poids, quand ils le peuvent, devant le gouvernement qui est en place, pour ne pas faire passer de lois contraires à l'islam, pour faire respecter la moralité, et ainsi de suite. C'est pas très agréable, mais c'est pas catastrophique. Mais il y a une seconde étape qui a été franchie par Khomeini, où, là, dans ce cas, un clergé très fortement structuré, dit « c'est moi qui vais gouverner ». Autrement dit, tout va être islamique. On passe d'une coexistence avec un régime autoritaire, avec une tendance nettement totalitaire, en prenant l'islam comme idéologie totalitaire. Le discours s'y prête d'une certaine manière, mais il y a une déformation de la religion à l'idéologie qui est faite, et qui a été faite en Iran par Khomeini. Donc, vous voyez, et il n'y a pas de frontière très nette entre les deux versions. On pousse, et tout à coup, voilà. C'est pour ça que, même s'il y a un gouvernement qui peut être civil, le dernier mot, il revient toujours au pouvoir religieux, qui est au-dessus du gouvernement. Non, pas alors, forcément. Au début, en tout cas. Là, on est au début. Regardez, c'est une question d'équilibre de pouvoir. Quand le pouvoir est faible, quand il a besoin de soutien, et les régimes autoritaires, qui sont des régimes toujours idéologiquement faibles, ont souvent besoin de soutien idéologique, ils le recherchent chez les religieux, c'est du classique. Pas seulement en Iran, d'ailleurs. Et quand il est question d'échange de bons procédés, on donne et on reçoit. Mais quand, par exemple, pour le Shah, c'était après 62, il se sent assez fort, il dit « je m'en fous des religieux, j'ai assez de pouvoir, j'ai l'armée et je fais ce que je veux. Ouais. » Est-ce que vous avez eu le sentiment quand même que lors des premières années, ça durait quand même un certain temps, je dis ça parce que les choses changent en Iran, est-ce que vous avez eu le sentiment que votre pays était tombé dans les ténèbres? Le mot est peut-être fort, hein, mais... Non, c'est pas quoi. Regardez, l'image est, comment dire, a été souvent utilisée. C'est ça qui m'empêche de l'utiliser. Mais d'une certaine manière, je dirais que ça a été un sentiment assez largement partagé par les Iraniens. On revient 1400 ans en arrière, regardez ce que ça va donner, ainsi de suite. Ce n'est pas exagéré. C'est un peu élimé, si vous me permettez. Mais vrai. Bon. Alors, on a vu comment, avec la complicité involontaire du pouvoir du Shah, l'Ayatollah Khomeini est devenu ce symbole et un personnage très fort. Mais, me semble-t-il, ça ne suffit pas. Il faut aussi que le personnage le soit. Qu'est-ce qu'il avait, l'Ayatollah Khomeini, pour avoir été capable d'incarner une révolution et finalement de la pousser et quasiment de la mener à distance, quoi. Il y a un charisme, qu'est-ce qu'il y a? Avec la distance, on l'appelle charisme, on l'appelle un chef charismatique. Et comme tout chef charismatique, quand vous regardez de près, il y a un mécanisme qui se met en place, ce qu'on arrive à appeler, à taxer, en fin de compte, de charisme, comme une qualité irréductible à quoi que ce soit, et qui est le propre de la personne qui attire les autres. Ma foi, ça se construit. Ça se construit. Autrement dit, il n'est pas né charismatique. En 62, il n'était pas aussi charismatique. En 73, il n'était pas aussi charismatique. J'imagine. Mais c'est le processus qu'il met d'une certaine manière, qu'il gonfle d'une certaine manière. Et ce processus a eu lieu, d'une part, du côté du Shah, et du fait qu'il y trouvait un bon exemple de la réaction pour l'attaquer, infructueusement cette fois-ci, en essayant de refaire son coup de 1962, et de l'autre côté pour les autres, en disant que oui, il est un chef religieux, il va être là et va laisser le pouvoir après. Et on est quand même tombé dans le panneau chez les Occidentaux. On a vu des intellectuels, des gens vraiment éclairés, hein, qui le soutiennent et qui se disent « Ah ben voilà, le contraire, t'as des spots, voilà. Donc il est forcément bien. Bah, » Voilà. On est quand même tombé dans le panneau. C'est vrai. Le Shah n'était pas très sympathique. Et d'un autre côté, ça se passait dans le tiers-monde, dans un pays qui se libérait du joug des Américains, et ainsi de suite, toutes les raisons pour montrer de la sympathie envers ce qui s'y passait. Et on n'imaginait pas, il faut le reconnaître, pas plus que les Iraniens, qu'un religieux... chef religieux d'un tel âge, puisse se révéler, je dirais, si rusé et si impitoyable. Et si politique. Ramin Kamaran, on se retrouve dans 3 minutes, on va continuer de parler un petit peu du retour de l'Ayatollah Khomeini, mais également, j'y tiens, et vous aussi j'espère, l'Iran d'aujourd'hui. Bien sûr. Ramin Gamaran, nous nous retrouvons pour parler de cet événement si important qui a été la révolution iranienne. Est-ce que Khomeini faisait l'unanimité parmi les religieux? Il n'y a pas des rivalités chez les mollahs déjà? Parce que ces gens-là, des religieux qui font de la politique, sont des hommes de pouvoir. Ils y tiennent au pouvoir. Absolument. Il y en avait, mais Khomeini a pu s'ériger, je dirais, le monopole du pouvoir et devenir la grande figure révolutionnaire, le grand chef. Et quel était son rival le plus important? C'était Shariat Madhouri, qui jouissait d'une très grande influence au sein de la communauté des croyants, en Iran, à l'extérieur. Et vous verrez par la suite comment la tension a monté et il a brisé Shariat Madhouri, tout simplement, en l'acculant à des aveux télévisés et en le mettant en résidence surveillée jusqu'à sa mort. Rapidement, Khomeini et ses soutiens mettent en place un comité révolutionnaire. Il y a les gardiens de la révolution qui deviendront les pasdaran, hein, qui vont s'imposer. Il y a les étudiants qui vont jusqu'à prendre en otage le personnel de l'ambassade américaine. On a l'impression qu'il a un soutien énorme, énorme au début, Khomeini, de la population iranienne. Sans doute. Il a un soutien énorme, mais quelques points d'abord. Regardez, ce soutien, s'est constitué au cours de la révolution, a atteint son sommet au moment où il a pris le pouvoir, et j'ose dire que ça a commencé à s'effriter avec les premiers actes de violence du régime révolutionnaire. Ouais. En ce qui concerne les pasdaran, le premier noyau, c'était les comités. Les groupes, d'une certaine manière, formés spontanément, pour rassurer l'ordre dans la capitale en particulier, quand il n'y avait plus de force de police ou quoi que ce soit qui ressemble. Ceux qui faisaient le service d'ordre quand Khomeini est revenu, par exemple. Absolument, absolument. Et après, ils se sont donné une armée idéologique en beau régime totalitaire, sont été les pasdaran. Et ce qui est assez intéressant en ce qui concerne les pasdaran, ils ont été très très vite, au cours de la deuxième année pratiquement, très très vite armés par des armes lourdes. Et quand vous regardez l'histoire des autres régimes totalitaires, c'est pas quelque chose d'évident, loin de là. Dans le cas de la Russie soviétique, oui, parce que l'autre armée a été écrasée. Il n'y a eu que l'armée rouge, il n'y a eu que l'armée idéologique. Quand vous regardez le cas nazi, non. Il y a eu l'armée classique et il y a eu l'armée idéologique. Et le fait de passer des armes lourdes à l'armée idéologique, même dans ce régime, c'était pas évident. Mais en Iran, ça a été fait, et qui plus est, avec le soutien actif des groupes de gauche. Alors, un certain nombre d'années se passent, beaucoup, au moins 20 ans, et puis on arrive là tout récemment à autre chose. C'est-à-dire que l'Iran est mis au banc des nations pour cause de régimes infréquentables, hein, on va dire ça comme ça, pour cause de menaces réelles ou supposées en termes de nucléaire. Et là, ça y est, on ouvre la porte. Alors, quand l'Occident ouvre la porte, c'est jamais désintéressé. Mais enfin, est-ce que la société, le pouvoir iranien s'est si libéralisé que l'Occident commence à ouvrir ses portes? On va dire non, pas du tout. Il faut faire la différence entre la faiblesse d'un régime et la libéralisation. La faiblesse vous entraîne, vous oblige à céder dans tel ou tel endroit, sur tel ou tel sujet, là où vous n'avez pas de pouvoir de répression. C'est simple. C'est ça ou rien. Point. La libéralisation, c'est un changement de principe, c'est un changement de perspective, c'est un changement de programme. Ça n'a pas lieu et je pense que tant que ce régime sera en place, une telle chose n'aura pas lieu, peut-être vers la chute, juste au dernier moment. On verra. Alors comment vous expliquez le paradoxe? Parce que c'est difficile à comprendre, hein. Le paradoxe par les femmes, avec les femmes par exemple. Donc des femmes voilées. Et puis en même temps, je crois que l'Iran est l'un des pays qui proportionnellement accueille le plus de femmes à l'université. Absolument. J'ai du mal à comprendre. On a du mal à comprendre ces paradoxes-là. C'est un exemple parmi d'autres. Non, c'est un exemple très significatif, vous l'avez très bien choisi. Regardez, en ce qui concerne le voile, la première tentative de Khomeini d'imposer le voile, la première année après la révolution, a créé une telle réaction de la part des femmes iraniennes. Et il y a eu des manifestations avec les grandes figures du féminisme qui sont arrivées de le monde entier. Khomeini, tout Khomeini qu'il était, il a reculé, il a dit « Oh non, non, c'était une suggestion ». Mais avec le début de la guerre Iran-Irak, il a eu les mains libres, il a imposé. En ce qui concerne les femmes, elles ne se sont pas laissées faire, tout simplement. Le tchador, on nous l'impose, on essaye de nous chasser de tel ou tel ou tel endroit. Non, nous ne le laissons pas faire et nous allons faire quoi? Des études. C'est extrêmement important. Le très grand nombre d'étudiantes. Mais là où elles n'ont pas eu le pouvoir de s'imposer, et c'est pas un hasard, c'est sur le marché de travail. Actuellement, je pense, j'ai pas vérifié les dernières statistiques, le pourcentage des femmes sur le marché de travail est presque au même niveau qu'avant la Révolution. Et là, vous voyez qu'ils ont réussi leur coup. Mais, en ce qui concerne toutes les réactions que vous voyez de la part des femmes, oui, c'est évident, elles ne se laissent pas faire. Mais le pouvoir prend un risque quand même en faisant une société d'érudits, c'est-à-dire de plus en plus d'étudiants. Bah, plus on est érudit, plus on a une conscience politique, et plus c'est dangereux pour le pouvoir. Oui, c'est vrai. C'est pas aujourd'hui, hein, mais il est en train de construire ça, peut-être. Non, c'est vrai. Mais au fond, mais disons mieux. Du point de vue de ceux qui n'aiment pas ce pouvoir, et je leur donne raison, oui, tant mieux. Mais sur quoi ils comptent? Ils disent, oui, les intellos, c'est les intellos, on s'en fout. On a les forces de répression, on a ce qu'il faut, et puis ils n'iront nulle part. À terme, ils iront quelque part. Nous le savons. Mais c'est le, je dis, raisonnement typique des régimes dictatoriaux, de quelque bourg qu'ils soient. On contrôle la situation. Rien à signaler. Alors, je refais juste un tout petit détour, mais c'est vous qui me le suggérez d'ailleurs dans votre réponse, dans le passé pour la guerre Iran-Irak. Il faut rappeler qu'elle a été longue, épouvantable, pas toutes les guerres le sont, mais presque une guerre avec des gaz, je crois. Quelque chose qui ressemble à la guerre 14-18, enfin une horreur absolue. Qu'est-ce que ça a laissé comme trace? Et c'est une guerre dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, on devrait en parler plus, parce qu'elle était totalement anachronique. Qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace? C'est vrai, une trace, une blessure profonde, énormément de morts. Beaucoup de ruines qui n'ont pas été reconstruites, énormément d'handicapés, de blessés. Et comme vous le savez, oui, le gaz, les Irakiens en ont eu, et ils en ont utilisé à l'encontre des soldats de la République islamique. Ça a été horrible, mais oui, tout à fait guerre, première guerre mondiale. Autrement dit, offensive nivelle, dépassée à l'époque où elle a eu lieu en France même, et le gaz. Voilà. Toute dernière chose, Ramin Kamran, est-ce qu'on pourrait imaginer un Moyen-Orient, je ne sais pas s'il serait stabilisé, mais en tout cas équilibré entre deux pôles, qui serait d'un côté Israël, dont je rappelle qu'il est le seul pays démocratique, dans un océan de pouvoir autoritaire, on va dire ça comme ça, et l'Iran, par sa force économique, ses ressources, et puis aussi ce qu'il peut apporter au monde. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un Moyen-Orient pourrait se construire et exister avec deux pôles d'équilibre, qui seraient ces deux pays-là? Regardez, en ce qui concerne la politique étrangère, l'équilibre, c'est la force. D'accord, oui, il peut qu'il y ait un équilibre, mais ce n'est pas la bonne solution. À mon avis, la bonne solution est exclusivement, je dirais directement, nettement, la laïcité. Il faut traiter le mal à sa racine. L'équilibre des forces, ça a toujours existé, ça existera toujours, mais on n'irait pas loin avec ça. On n'irait pas loin. Le fond de l'affaire, c'est de mettre le religieux de côté et s'appuyer sur la politique. Sur tout le Moyen-Orient, je dirais, et c'est fondamental. Comme ça, on sortira de la situation actuelle. Très bien, ça sera le mot de la fin, Ramin Kamran. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions à la fois hier et aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Je vous en prie, au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, la révolution iranienne, le retour de Khomeini, fiction écrite par Sharif Gattaz, réalisée par Cédric Ossir et Juliette Gou, émission proposée par Christophe Barrère, préparée par Simon Maisonob, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui, Grégory Wallon.